le zinc, tout cabossé. Une machine à café, tout détraqué. Un taulier un peu con, toujours bourré. Une serveuse mini-jupe pour décorer. J'peux dire que j'en ai passé des nuits blanches dans ce rade, à essayer de comprendre ce que je foutais là, au milieu de ces paumés qui parlaient trop fort de tout, de rien, mais surtout de rien. J'ai plus soif, j'ai plus envie de ça. J'ai trop usé mes coudes sur les comptoirs. Envie qu'on me montre du doigt. Aujourd'hui je n'ai soif que de vivre. Une affiche de ciné jaunie par la fumée. Un film de série B que je ne verrai jamais. Et pendant que je buvais, sans jamais avoir soif, Monsieur Brel me chantait « Ne me quitte pas » Et je pleurais dans mon verre en pensant au putain, au putain d'Amsterdam, de Paris ou d'ailleurs. Et l'autre con me resservait en me disant « C'est ma tournée » Et moi je voulais me tirer, mais lui il rigolait. Non, j'ai plus soif, j'ai plus envie de ça. J'ai trop usé mes coudes sur les comptoirs. J'ai plus envie qu'on me montre du doigt. Aujourd'hui je n'ai soif que de vivre. J'ai plus soif, j'ai plus envie de ça. J'ai trop usé mes coudes sur les comptoirs. J'ai plus envie qu'on me montre du doigt. Aujourd'hui je n'ai soif que de vivre. J'ai picolé ainsi dans des années, un bout de vie caché à enrichir un con. Et puis je t'ai rencontré et tu m'as dessoulé. J'en ai pris plein les tripes et puis j'ai chialé. Et depuis ce jour-là, tu ne m'as plus lâché. Que j'aille n'importe où, je t'entends gueuler. Et je gueule avec toi. Quand je prends ma guitare, toi le blues qui m'a sorti de cette vie sordide. Non, j'ai plus soif, j'ai plus envie de ça. J'ai trop usé mes coudes sur les comptoirs. plus envie qu'on me montre du doigt. Je n'ai jamais soif. Du doigt.